toi, toi un jeune garçon qui d'amour, un grand monde, na Montréal. Comme on n'a pas machine, ni pas automobile, chaque jour faut le faire le plein. Faut qu'il foule tant pis pour le cabalet. Jeune homme n'en sait pas toute la nuit. Et comme on n'a pas dormi. Changez métier. Changez métier, toujours dit nous. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais raconter nous qui ça, qui passe son jeune garçon dans Canada. Vous connaissez. Les jeunes hommes arrivent au Canada, ils ne font pas bon, ils ne font pas travail. Ils ne font pas gagner la vraie vie. Ils vont venir nous, les légers. Les chances pour lui, ils viennent au grand monde. En forme, mais on a aussi une grande mouna. Grande mouna fait monsieur déclaration. Monsieur content, c'est Gabon, nous sauver. Et puis pour monsieur, il faut prendre un pied à être jeune voilé. Et pourtant le prendre en lion. Ah, la raille pas tapé quoi pour arriver, le voile tendé. Ah, oh, grande mouna dit chéri, on a la caille. Elle vivait la rallye malé, pour qu'on même pile pour mieux marcher escalier. Grand monde prend deux même chez l'entravelle. Oh oh, ça va Lili. Chérie, allons faire le plein. Allons faire le plein. Alo fè le plè, alo l'foul tanki. Gè moun nan mande pou m'chè l'foul tanki. Et faiblesse est finie par arriver, monsieur Déria, monsieur pas de sentir le podium. On voit monsieur commence à trembler. Et monsieur connaît, non faire le plein. Monsieur pas bon pis. Ni pas Texaco. Ni pas Shell. Ni pas Esso. Et pompe gasoline côté Léa, Léa Moko. Petro Canada. Je connais le blague en basol, pas possédé basol en mené. Aïe aïe aïe. Zach Rival qui le papa. J'ai dit bon, chéri, je ne vais pas docteur parce que je ne suis pas capable. Non, on a dit ben, dégage-moi avec le docteur, m'abtonne. L'aime chéri, veut le docteur, le cas dit, sois senti. Il dit donc, je ne suis pas bon. Je suis tout le temps des dames crasées. Je suis tout le temps des dames crasées. Donc là, dit bon, on va le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre 3 fois par jour. Mais soit quoi? On va prendre l'ambi boucané, grenadia, carotte, grenadine, cachimant Québec. C'est pour prendre tout le bagage, c'est ça pour sauver ou ça passe par la nuit. Dis donc, c'est pas le tout nous. Parce que l'autre, quand mon âme souffrirait, il est content. Il est pour l'après, il est fait de vitesse supérieure pour l'apprendre. Vitesse supérieure pour l'apprendre. Et il m'a pas de vitesse supérieure quand même. Et m'a pas nous, dimension. Vitesse supérieure. Eh bien, vitesse supérieure, c'est 48 sur 8, 5 ferros, bonne souveraineté, derrière Kalamba, bloc, son boy. C'est alors, monsieur commence à prendre les médicaments correctement. Et puis, un jour, mon ami, monsieur dit, chérie, viens essayer, non. Mais essayez à ce que vous avez vu. Gazoline n'a pas trop battu, gazoline, gars, il est trop plein. La fête, parce que mon ami, l'ambré, on a dit, oui, chérie, t'as pas de femme, soit femme là. Plutôt acheter une iguoise, on s'assassine ma petite iguoise. Plutôt battre ma veste dans l'eau. Barababoko, barabab, j'en ai 3 du point.